Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est l'heure de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Parce que l'homme arriva 65 millions d'années plus tard, le Salon Noir ne traitera jamais de l'extinction des dinosaures. Parce qu'il fut notre lointain contemporain, parce qu'il fut peut-être exterminé par nos soins, que sa disparition suscite aujourd'hui débat et polémique, nous nous centrerons ce soir sur un animal tout à la fois réel et surnaturel, le mammouth. Le mammouth avec Marie-Hélène Patoumatis. Bonjour. Bonjour. Archéozoologue, directrice de recherche au CNRS après Néandertal, les grands mammifères pléio-pléistocène d'Europe et Madame de Néandertal, vous venez de publier Histoire de mammouth chez Fayard Histoire. Marie-Hélène Patoumatis, on connaissait les cimetières aux éléphants. Existe-t-il pour autant des cimetières à mammouth ? Il existe des cimetières à mammouth dans l'imaginaire. C'est-à-dire que, et aussi pour les explorateurs qui arrivèrent donc en Sibérie, sur des îles aussi en mer de Sibérie orientale, et qui voyaient ces amoncellements d'os de mammouth. Donc pour eux, voilà, c'était sûr, il y avait des cimetières de mammouth. Alors ces amoncellements, ils viennent d'où, malgré tout, à défaut d'être des cimetières, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une accumulation par différents phénomènes. À la fois, ça peut être la solifluxion, ça peut être de l'eau, etc. Donc, plusieurs corps, c'est vrai que des mammouths sont morts là, mais c'est différentes périodes, c'est différentes époques. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un seul coup, et c'est pas les mammouths vivants qui venaient à cet endroit-là. C'est souvent des lieux, en fin de compte, qui ont concentré les cadavres et les squelettes d'animaux déjà morts. C'est vrai que de par le monde, notamment en France, c'est en général charrié par les rivières qu'on les trouve, ces ossements de mammouth. Il doit en être de même en Sibérie. Oui, c'est à la fois les ossements, mais aussi les cadavres eux-mêmes. C'est-à-dire que très souvent, il y avait une mortalité importante des mammouths, probablement au bord des cours d'eau, soit parce que voilà, ils s'enfonçaient, etc. Et de ce fait, après, leurs cadavres étaient transportés, et très souvent, soit quand il y a des méandres, il y a des dépôts de ces cadavres, et puis qui deviennent après des ossements. Avant de devenir bien réel, l'animal fut avant tout surnaturel. Pour exemple, l'ouvrage de Leibniz qui, en 1690, en fait une sorte de licorne. Oui, c'est ça qui est passionnant avec le mammouth. C'est pour ça que c'est histoire au pluriel, parce que le mammouth est partout. Il est à la fois réel et dans l'imaginaire, comme vous l'avez dit. Et aussi, il a pris un petit peu tous les figures de héros, même que, par exemple, les géants. Il est aussi une grande taupe chez les Sibériens qui provoque les séismes. Il est justement cette fameuse licorne, parce que ça, ce sont les défenses de mammouth qui ont été prises pour des cornes de licorne. Donc, il est vraiment tout le temps partout. Et très tôt, on en a fait un animal fabuleux. Alors, je reviens à Leibniz parce que la gravure est tout à fait exceptionnelle. On voit d'abord en haut une molaire de mammouth et là, on la reconnaît bien, elle est bien caractéristique. Et puis après, une sorte d'animal invraisemblable. Bipède déjà, donc c'est quand même assez fou. Et puis, vraiment avec un crâne qui ressemble plutôt à un crâne de cheval d'ailleurs, avec aussi des dents qui sont plutôt des dents de chevaux. Donc, il y a une espèce de mélange de plusieurs espèces animales. Donc, on est vraiment dans l'animal fabuleux, dans une espèce de chimère. Et même les Grecs de l'Antiquité évoquent le mammouth ? Oui, et je pense que toute la mythologie des cyclopes, par exemple, repose sur... Alors là, c'est pas des cadavres de mammouth, parce que en Grèce et sur les îles, il n'y avait pas de mammouth. Mais il y avait des éléphants, des crânes d'éléphants antiques, des crânes fossiles. Et quand le crâne se fossilise, quand on retrouve le crâne, il a, au lieu des deux orbites, il y a la petite cloison entre les deux, est fracturée. Donc ça fait comme s'il n'y avait qu'un œil central. Et probablement que le mythe des cyclopes, donc ces géants avec un seul œil, vient de la découverte de ces crânes fossiles d'éléphants. André Leroy-Gourhan a longtemps œuvré sur les régions septentrionales. Un de ses premiers articles concerne justement le mammouth chez les Inuits, les Esquimaux. Le mammouth est une baleine de terre. Je crois qu'on peut dire ça, parce que souvent, même d'ailleurs dans les îles proches du continent arctique et notamment aussi au nord de la Sibérie, on a vraiment cette surimposition entre différents mammifères marins, par exemple, et le mammouth. Et il y a eu des confusions. On a eu aussi des confusions avec le narval, on a eu des confusions. Donc tout ça était un peu dans l'imaginaire des peuples qui vivaient dans ces endroits-là, dans ces régions quand même perdues. Il y a ce mélange entre différents animaux, à la fois des animaux marins et des animaux terrestres comme le mammouth. Et voilà, on a l'impression que le mammouth était vivant à travers des animaux marins qui, eux, étaient vraiment vivants. Ce qui est intéressant, et c'est ce que raconte Laura Gourand, c'est que le mammouth de mer, ou plutôt la baleine de terre, quand elle passe, c'est le fameux tremblement de terre. Et vu que le mammouth nage sous la terre, c'est pour ça qu'on ne le voit jamais. De temps en temps, il meurt, et à ce moment-là, il remonte à la surface de la terre, comme le ferait une baleine ou un gros poisson. C'est une explication extrêmement logique, qui ne l'est pas, bien sûr. Oui. C'est vrai que c'est très très intéressant, mais il faut bien voir aussi que cette légende, elle se retrouve au nord de la Chine. Et là, on a ça aussi, on se retrouve avec cette espèce d'animal qui est très proche, là aussi, d'une espèce de grosse taupe, et qui a toujours, c'est vraiment la caractéristique principale, c'est que c'est un animal qui est assez gros, qui vit sous terre, qui vient à l'air libre, et c'est en venant à l'air libre qu'il meurt. Mais le temps de venir et tout, il provoque des séismes et tout. Donc à la fois, c'est intéressant de voir, parce que c'est vraiment en plein continent, là, pour le nord de la Chine, mais c'était tellement puissant chez ces peuples-là qu'on le retrouve au sein des terres, cette vision, en fin de compte, de ce mélange entre mammifères marins et mammifères terrestres, et notamment le mammouth. Marie-Hélène Patoumati, ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est le mammouth laineux qui apparaîtrait vers 600 000 ans et qui va, lui, partir à la conquête du monde. Oui, le mammouth, bien sûr, quand on dit mammouth, pour tout un chacun, c'est surtout le mammouth laineux. Mais il faut voir qu'il a une grande famille. Et donc, il y a eu, notamment si on prend l'Europe, il y a eu plusieurs mammouths. Il y a eu les grands mammouths, le mammouth des steppes, le mammouth méridional avant, le mammouth des steppes, et puis le mammouth laineux. Donc il y a toute une grande famille, il n'arrive pas comme ça non plus tout seul. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces différents mammouths, petit à petit, vont aussi s'adapter en fonction des changements climatiques. Il faut se replonger dans cette période du Quaternaire, de la préhistoire, où on a ces changements climatiques. Et donc, et là, à la fin, en quelque sorte, on a ce fameux mammouth laineux. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire comme son ancêtre, le mammouth méridional, 500 000 ans avant, il va traverser le détroit de Bering et venir donc en Amérique, où il va donc vivre en Amérique en tant que mammouth laineux. Alors que le mammouth méridional qui était venu auparavant, lui, c'est celui qui va donner le fameux mammouth de Colomb, donc qu'on trouve aux États-Unis. Le mammouth est bien sûr un animal de climat froid. Il a quand même malgré tout vécu des oscillations chaudes et il a, semble-t-il, au cours des milliers d'années plutôt, ou centaines de milliers d'années, réussi à s'adapter. Oui, le mammouth, il s'est adapté. Alors, au changement un peu de réchauffement, là, il va changer de territoire. Mais sinon, c'est vraiment un animal qui est adapté parfaitement au froid. D'ailleurs, on pense qu'il était plus gros que l'éléphant africain, ce qui est pas vrai. Il n'est pas tellement plus gros, il est même un petit peu plus petit. Mais ce qui lui donne cette apparence de masse, c'est parce qu'il a une grosse toison. Il a plein de poils, il a du duvet, il a des jarres. Enfin, et en plus, il a des adaptations extraordinaires, comme par exemple le clapet anal. C'est-à-dire qu'au niveau de l'anus, pour pas que l'anus se gèle, il a un clapet protecteur. Et ça, c'est intéressant parce que les hommes préhistoriques qui l'ont représenté, le mammouth, donc sur les grottes en France, par exemple, on fait ce petit détail anatomique, ce petit clapet. Autrement, il mourrait ? C'est-à-dire que c'est une fragilité, on peut mourir l'anus gelé. Et c'est arrivé à beaucoup de soldats, justement, pendant les grandes guerres napoléoniennes. Le mammouth est présent tant en Sibérie qu'en Amérique. Est-ce d'ailleurs le même ? Est-ce que des analyses génétiques auraient permis de voir ce qu'il en était exactement, si c'était exactement le même sujet ? Oui, actuellement, les derniers travaux, notamment avec l'ADN ancien, montrent que probablement il y a eu un retour. C'est-à-dire qu'il y a eu un départ. Les mammouths laineux sont partis de Sibérie, ont passé le détroit de Bering, qu'on pouvait passer à sec à l'époque, parce que c'était en pleine période très froide, et sont allés donc au nord, en Alaska, et donc au nord des États-Unis. Et à un moment donné, une partie est revenue, a recolonisé dans l'autre sens la Sibérie. Et il est probable d'ailleurs que certains des mammouths qu'on retrouve actuellement, quand il y a des campagnes dans le permafrost, leur analyse ont montré que probablement ils étaient les descendants de cette recolonisation dans l'autre sens. Donc ils sont bien sûr toujours des mammouths laineux, mais avec des petites variations qui montrent qu'il y a une espèce de recolonisation. On voit toujours le départ dans un sens, mais ils sont revenus à un moment donné. Donc le détroit de Bering était un vrai passage dans les deux sens. Dans les deux sens, et ça a été aussi pour l'homme, le cas pour l'homme. Marie-Hélène Patoumatis, quel est le lien entre le mammouth, et notamment le mammouth laineux, et l'éléphant? De lointain, très lointain. Oui, c'est très très lointain. Hein. C'est-à-dire qu'il y a débat, comme toujours. Il y a débat pour savoir la séparation. À partir de quand les grandes lignées, les gens, si vous voulez, se sont séparés. Et il y en a qui disent que c'est plutôt 4 millions, il y en a qui disent que c'est plutôt 6 millions. Bon, il y a vraiment un débat pour savoir qui a donné les différentes lignées. Mais en tout cas, c'est pas du tout le mammouth. Le mammouth n'est pas du tout sur la même lignée, c'est pas le même genre. Donc c'est mammouthu, c'est un genre différent. Donc c'est vraiment une séparation très anciennes. Donc ils sont, on va dire, des cousins lointains, si on veut prendre dans notre terminologie. Mais il n'y a pas du tout de proximité entre l'éléphant et le mammouth. Et puis ils ont surtout des défenses très différentes, non ? Très différentes. Et aussi au niveau de probablement de leur anatomie, ces adaptations au froid qui sont quand même très importantes pour chez le mammouth, mais aussi ses prédécesseurs. Il y avait déjà quand même une transformation de leur morphologie qui les différencie des éléphants. Bon, c'est plus compliqué pour les espèces autres que le mammouth parce qu'on n'a pas retrouvé beaucoup de mammouths non laineux entiers conservés comme dans ceux de Sibérie où là on a le corps complet. Mais vraiment quand même une ressemblance. Ce sont des proboscidiens tous, l'éléphant comme les mammouths. Donc c'est on est plus dans des détails au niveau de l'anatomie, au niveau des dents, c'est pas du tout le même système parce qu'ils ont pas la même alimentation par exemple. Donc il y a des différences parce que au niveau de la locomotion aussi, du déplacement, du nombre de doigts, il y a des variations évidemment comme dans toutes les espèces. Et c'est là il y a une différence. C'est vrai quand on les voit ils sont proches, hein, on voit c'est des proboscidiens des éléphants au sens là, mais en réalité quand on voit en détail, il y a quand même des petites différences. Alors nous parlons du mammouth laineux, mais adapté, et très bien adapté au froid, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le rhinocéros laineux. C'est ce que j'appelle le compagnon. Il y a des compagnons de route. Et donc le compagnon de route pour le mammouth, c'est le rhinocéros laineux. Et lui aussi, contrairement à nos rhinocéros que l'on connaît, il a une énorme toison et il a aussi des cornes hypertrophiées, hein, surtout le rhinocéros laineux avec une grande corne frontale énorme, énorme. Alors là, ça aurait fait la joie malheureusement des revendeurs justement de cornes des braconniers. Des braconniers. Et puis même chez nous, ils veulent voler aussi les cornes fossiles. Hein, c'est un souci. Parce que c'était vraiment un hyper développement de cette corne. Et vraiment, on a cette association. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est au niveau du biotope, c'est au niveau de leur environnement qui est très très proche. Puisque vous parlez des braconniers, j'ai vu qu'on fabriquait dans les défenses d'ivoire de mammouth des boules de billard. Donc, il y a un réel marché encore autour de l'ivoire fossile et non plus de l'ivoire d'éléphant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe. Le commerce de l'ivoire existe depuis très, très longtemps. D'après les textes que j'ai pu consulter, vraiment, il y a vraiment déjà des commerces, vraiment d'ivoire de mammouth, hein, pas d'ivoire d'éléphant. Donc, entre les Arabes, la Chine et bien sûr, tout ça provenant de Sibérie. Donc, vous voyez, 10e siècle, il y a déjà vraiment des... Et on a dans les périodes royales, dans les cours d'Europe, on a l'utilisation d'ivoire de mammouth. Et on a, vous parlez des boules de billard, mais dès ces époques, on avait au 17e, 18e, des boules faites en ivoire de mammouth. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Madame Patoumatis, quelle est l'aire d'extension au sud de ce grand animal mammouth laineux ? C'est-à-dire que là. Il descend jusqu'où ? Jusqu'à Bordeaux ? Oui, mais il descend peut-être même encore un peu plus bas. Il y a un débat parce que ce qui se passe, c'est que ça soit au nord de l'Italie, au nord de l'Espagne, et même d'ailleurs plus au sud en Espagne, c'est un fait assez intéressant, où on retrouve des ossements ou un peu d'ivoire de mammouth. Mais là, la question se pose, est-ce qu'on trouve ça dans des campements préhistoriques ? On a quelques exemples de sites paléontologiques, mais dans une période où il y avait aussi l'homme présent. Donc, est-ce que c'est vraiment le mammouth qui descend aussi bas, hein, c'est-à-dire au nord de l'Italie, au nord de l'Espagne, voire même peut-être au sud. Ou est-ce que c'est l'homme qui véhicule des molaires, des fragments d'ivoire? Voilà, c'est un peu le débat et c'est la grande question. Parce qu'il y a quand même une concentration importante, il y a des limites. Tout ce qui est vraiment très méridional de l'Europe, Bon, là, c'est quand même rarissime où il y a des bas sur la provenance des pièces que l'on trouve, parce que c'est lié, bien sûr, à un type d'environnement. Le mammouth laineux, en fin de compte, il est quand même, comme on le disait tout à l'heure, adapté au froid. Et c'est surtout son environnement qui a un environnement très particulier, dans une steppe très particulière qu'on appelle justement la steppe à mammouth. Et donc là, cet environnement, ce côté végétal, se développe pas du tout dans les parties méridionales, voilà, dans la Méditerranée. Donc on a plutôt dans le au niveau de l'Angleterre, on peut dire, voilà, en France, Allemagne, etc., jusque bien sûr en Russie et au nord de la Chine, comme j'ai dit, mais pas dans les parties méridionales. Que sait-on de l'éthologie du comportement de l'animal? Les éléphants peut-être peuvent nous renseigner donc sur leur société. C'est-à-dire que là, c'est un peu un souci pour tous les animaux disparus. Ils ont des similitudes, ils ont des choses assez proches de certains animaux, dont ici de l'éléphant. Est-ce que pour ça, leur comportement était identique? C'est toujours une question. Il faut quand même savoir qu'on n'est pas à 100% sûr. Mais il y a quand même des comportements de ce type d'animaux, déjà par leur masse, par leur façon de se déplacer, etc. Et donc, évidemment, on va s'intéresser beaucoup à l'éthologie, au comportement des éléphants, pour essayer de mettre en évidence ceux des mammouths. En tout cas, ils sont matrilinéaires. C'est probable. Du moins, on peut le penser. On peut le penser, matrilinéaires. On peut penser aussi que c'est des animaux qui peuvent vivre en petits groupes, justement dirigés par une matriarche, et se retrouver ensemble plus d'une façon des troupeaux beaucoup plus importants lors de migrations, par exemple, au contraire, ou plus probablement, parce que migration, on est en train d'en discuter, hein, c'est peut-être pas sûr qu'il y avait des grandes migrations, ou peut-être pour simplement les reproductions, où là, il y avait peut-être des troupeaux plus important. Donc on a ces idées-là, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y avait probablement un comportement aussi de protection de la mère sur le petit. Quand on a des pièges où on suppose que ces animaux sont tombés dans ces pièges, on a un bébé dans la fosse à côté, on a un adulte, bon, on peut penser qu'il y avait peut-être une proximité. Donc il y a quand même des comportements qui se rapprochent de ceux des éléphants. Alors, et puis quand on est un jeune mâle, on vit hors du troupeau. Voilà, on vit hors du troupeau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que il y avait. Alors là, c'est pas l'exemple qu'on a qui est assez spectaculaire. C'est pas un mammouth laineux, mais c'est un mammouth de colons. C'est un mammouth américain où on voit, par exemple, on a trouvé deux squelettes où les deux mâles qui s'étaient affrontés probablement justement pour une femelle, pour la reproduction, et que les défenses étaient mises l'une dans l'autre, imbriquées, et ils n'ont pas pu se défaire. Et ils sont morts probablement de faim parce qu'ils pouvaient plus. Et ça, c'est quand même assez terrifiant. Comme donc, de temps en temps, il y avait probablement des combats entre mâles. Donc voilà, on a des petits éclairages parce qu'on trouve certains indices dans certains sites archéologiques ou paléontologiques. Son passe-temps principal est bien sûr de trouver de la nourriture dans l'immensité de la steppe à mammouth. Alors, je pense qu'il n'y avait pas de problème pour trouver du végétal. Là, il faut enlever aussi cette vision d'une toundra gelée, parce que c'est pas parce qu'on les trouve actuellement dans le permafrost qu'ils vivaient dans le permafrost. Ils vivaient dans une région, ce qu'on appelle la steppe à mammouth, qui est en fin de compte très riche. Ce sont des animaux qui consomment environ 180 kilos de végétaux par jour. Donc, vous pensez bien que c'est pas une toundra gelée qui va alimenter des troupeaux de mammouths. Donc là, je crois que il faut revoir ça. Et alors, cette fameuse steppe à mammouth est intéressante parce que elle s'étend, donc c'est un grand espace ouvert de steppe, hein, comme on peut voir les steppes à bison, avec c'est des graminées, et au bord des cours d'eau, des fleuves ou même des rivières, on a quand même toujours des arbres. C'est ça qui fait la caractéristique. C'est pas simplement une steppe toute seule. C'est vraiment un biotope particulier qui a disparu. Et c'est ça qui est intéressant. Des animaux vont disparaître avec le réchauffement climatique, mais aussi ce type donc d'environnement qu'on appelle la steppe à mammouth. En tout cas, l'animal ne vivrait pas très vieux, 60, 70 ans. C'est à cause de ses dents. Parce que les dents, vous savez, ils ont quatre molaires donc dans la bouche. Et en fin de compte, c'est des remplacements. Et donc, la dernière fois que la dent est remplacée, en fin de compte, ça peut pas, c'est vers 40, 45 ans, ça ne peut pas donc dépasser 60. Parce que là, il ne peut plus manger. Et donc, il meurt de faim. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons le mammouth et son histoire avec Marie-Hélène Patoumatis, archéozoologue et directrice de recherche au CNRS. Qui craint-il? Personne, si ce n'est l'homme, ce fameux mammouth? C'est-à-dire que quand on voit les prédateurs qui, à l'époque, il y a des prédateurs redoutables. Hein. Il y a des prédateurs redoutables, comme le lion des cavernes. Le Machairodus. Dans certaines régions. Et puis aussi, on a des, faut pas oublier les hyènes des cavernes. Donc, on a quand même des grandes, comme ça, hardes de hyènes. Vous savez, c'est des chasseurs, hein. C'est pas des charognards, les hyènes des cavernes. Donc, il y a des prédateurs. Mais, probablement, qui sont les traces qu'on a sur les squelettes, parce qu'on a beaucoup étudié, soit sur les cadavres de mammouths qu'on a trouvés en Sibérie, on a regardé bien sûr les traces de carnivores, soit sur les ossements. En fin de compte, c'est probablement post-mortem. C'est-à-dire que les prédateurs à cette époque-là, ils ne sont pas venus, n'ont pas agi, n'ont pas provoqué la mort de ces mammouths. Ils sont venus après. Ils sont venus après, des loups sont venus, des gloutons, des hyènes. Mais ce qu'on a constaté sur notamment les cadavres congelés de Sibérie, c'est pas eux qui ont provoqué la mort. Donc je crois qu'en effet, au niveau des prédateurs, ils craignaient pas grand monde. Alors peut-être excepté l'homme, on va en parler. C'est vrai que c'est une grande question actuellement débattue. Ils portent tous des noms exotiques, Jarkov, Liuba, et ont été extraits des glaces de Sibérie. Pourquoi toutes ces recherches? Faire revivre les mammouths par la magie de la génétique? Non, je crois qu'au départ, les recherches... déjà, il y a eu des opportunités. Il y a eu des mammouths qui ont été découverts au cours de la fin du 19e et surtout au 20e siècle d'une façon naturelle. C'est-à-dire qu'avec la fonte du permafrost, les mammouths venaient. Donc, les dolganes, notamment, qui vivent dans ces régions, alertaient. Ou d'un seul coup, on voyait arriver sur le marché des grandes défenses. Bon, on savait qu'il y avait peut-être un mammouth. Et donc, il y a eu cet engouement pour ces animaux, surtout la deuxième partie du 20e siècle. Et donc là, des missions, ce sont des expéditions scientifiques se sont mis en route, notamment par les collègues russes, pour justement trouver ces cadavres et dire alerter, faire tout de suite qu'il y a une alerte en disant bon ben voilà, un chasseur ou un éleveur d'olgan disait ben j'ai trouvé ces défenses, il y a un cadavre et alertait donc l'administration pour qu'on puisse faire une expédition pour retrouver ces cadavres. Donc il y a un engouement aussi pour l'animal parce qu'il est complet, parce que c'est voilà, on n'a pas que le squelette, on a tout l'animal. On peut respirer ses poils, on peut le toucher, on peut le voir, c'est quand même fascinant. Qu'est-ce que vous pensez vous de faire renaître par la génétique un mammouth comme il y a eu récemment en Corée du Sud un chien génétique? Oh, je trouve que là c'est pour moi un petit peu aberrant parce que déjà quel est l'intérêt de faire revivre un mammouth? Franchement, pour le mettre où? Il y a plus son biotope et en plus actuellement, ça serait porté par une éléphante. C'est ce qui est actuellement le plus probable. Donc là aussi, au niveau de l'éthique, la souffrance de l'animal, comment cet animal va vivre. Il faut un troupeau, il ne peut pas vivre tout seul. Bon, il y a plein de questionnements et je trouve franchement que quand en ce moment disparaît les plus gros mammifères terrestres, peut-être que c'est là qu'il faut investir. Il n'y a pas que la Sibérie. Une très belle découverte dont le Salon Noir avait parlé a récemment été faite sur les rives de la Marne, celle du mammouth, Helmut le mammouth. Ça, c'est une très belle découverte. Là, vraiment, pour nous, c'est vraiment une donnée très, très intéressante parce que déjà, on n'avait pas de squelette quasi complet dans ces régions. Hein, là, ça a été fouillé avec l'INRA, etc., dans des conditions extrêmement modernes. On a pu vraiment voir ce qui se passait, faire des bonnes fouilles dans les bonnes conditions de ce squelette. De ces squelettes, parce que Helmut n'est pas tout seul, voilà. Et donc, c'était une belle réussite. Et je crois qu'en plus, ça a été mené par deux archéologues. Je vais faire un peu de publicité pour les archéologues. Donc, Grégory Bell de l'INRAP et Stéphane Péan, donc, du Muséum, qui est dans mon équipe. Et ça, c'était aussi bien parce que c'était vraiment, ils connaissent les os, quoi. Donc, ils étaient dès le départ à la fouille. Et donc, formidable. Et puis, la présence de deux petits silex est particulièrement intéressante. Preuve probable de la présence de l'homme, d'un homme venant charognier. Oui, c'est intéressant parce que d'après les datations, comme c'est un peu indirect pour l'instant, hein, ça situe donc à la période, en tout cas c'était les Néandertaliens. Donc se dire peut-être que des Néandertaliens ont trouvé une opportunité de venir dépecer, de prendre un peu de viande sur quelques cadavres, c'est pas mal. En tout cas, l'homme a-t-il chassé le mammouth? Moi, je pense que l'homme préhistorique a chassé le mammouth. Là, on parle de l'homme préhistorique. Alors, les Néandertaliens peut-être, et les sapiens, ce qu'on appelle familièrement les Cro-Magnons, sûrement. Je pense qu'il y a eu des moments où ils ont chassé le mammouth. Alors, peut-être agrégation de clans, peut-être voilà dans des lieux propices, parce qu'on voit très bien quand même que les campements, surtout en Europe centrale et orientale, sont des campements qui sont toujours au niveau de la saison à peu près dans la même, c'est-à-dire qu'on est à la fin du printemps, moment du dégel. Et là, on est pas loin des rivières, donc on peut piéger les mammouths. Vous voyez, la glace est très très friable, donc on peut faire. Mais on a des pièges de mammouth ? On peut avoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces campements, on a toujours quand même des environnements très très similaires, donc propices à ce piégeage. Donc on peut pousser un peu les mammouths et après récupérer. Donc je pense que moi c'est possible. Le tout c'est qu'il faut bien envisager que c'est une chasse qui est quand même une chasse forcément par piégeage ou en tout cas en embuscade, parce que sinon à l'approche ça paraît impossible et les armements, vous imaginez bien une sagaie, une petite pointe comme ça qui touche l'arrière-train du mammouth, le mammouth rigole quand même. C'est une chasse collective par force. Par force, par forcément une chasse. Ou bien de tomber, que le mammouth tombe et puis mettre son ventre. Dégage son ventre et là on peut aller stock l'achever. En tout cas, le mammouth a permis à l'homme de s'abriter dans les grandes steppes, à voir par exemple ses habitations faites en os de mammouth à Kostinsky, Meziritch. Oui, il y a plein de sites en Europe centrale, aussi on en a en République tchèque, et en Europe, en Ukraine, en Russie, où on voit ces cabanes. Ça, c'est intéressant parce que ces cabanes, c'est pas une cabane. Souvent, on a plusieurs cabanes. Et probablement, c'est vraiment des campements qui étaient plusieurs fois utilisés régulièrement, même peut-être on peut envisager sur plusieurs centaines d'années, etc. Une fois que c'était construit. Et là, on voit, on a repris l'analyse, justement, avec Stéphane Perron, l'analyse de ces huttes en os de mammouth. On s'aperçoit quand on regarde de près qu'il y a beaucoup de ramassage. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques n'ont pas tué, par exemple, 52 mammouths, comme on a des campements à 52 mandibules. Il n'y a pas 52 mammouths qui ont été tués. C'est parce qu'on a, ça a été récupéré, justement, sur des tas d'os, hein, de mammouths, et utilisé. Donc, il y a une récupération, il y a une gestion, en fin de compte, de l'espace et de ce qu'il y a dans cet espace. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans certaines, il y a une structure d'habitat, mais dans d'autres, il y a des choses très particulières, avec notamment des Vénus en ivoire, avec des instruments de musique, en tout cas des ospins de mammouth à l'intérieur. Donc des choses très intéressantes qu'il faut bien étudier, qui montrent une complexité déjà à l'époque, voilà, vers 20 000 ans. Il y a des choses incroyables. Une de ces cabanes vient d'être découverte il y a peu. Marie-Hélène Patou-Mathis, le monde, il y a 15-12 000 ans, va vivre un bouleversement sans précédent. La fin de la glaciation sonne le glas du mammouth. Je pense que c'est quelque chose qui va... Il faut bien voir que c'est quelque chose de progressif. Déjà, je crois qu'il faut bien faire attention. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qui s'est passé. Et peut-être même en ce moment, ça va peut-être même plus vite qu'à l'époque. En tout cas, c'est un phénomène progressif. Et déjà, il va y avoir probablement, avec ce réchauffement, le fait que les mammouths vont quitter. On voit très bien dans les datations. On voit très bien dans les campements, on a un déplacement. Les premiers qui disparaissent, enfin au niveau de l'occupation du territoire, c'est en Europe occidentale. On les voit très bien que petit à petit, en fin de compte, plus ça va, plus on va en trouver vers l'est et après vers le nord. C'est-à-dire qu'on va les retrouver vraiment dans le Taïmyr. C'est là où, en fin de compte, il fait encore bon vivre pour des mammouths. Ils vont tous remonter vers là-bas ou en tout cas, donc ils vont. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et qui va aussi, les populations vont se réduire. Et donc, au niveau de la diversité génétique, ça va provoquer là aussi une déperdition. Et qu'on va probablement déjà sur un... C'est déjà le processus, en fin de compte, d'extinction est déjà engagé. Mais je pense que c'est plus ce phénomène de déplacement, parce qu'il y a un réchauffement climatique, que l'action humaine. Les derniers disparaissent quand et où ? Ils sont très récents. Les derniers, c'était à l'époque des premiers pharaons, hein. Donc voilà, 3500, 3700. Et donc c'est sur... on a trouvé à l'île Saint-Paul, parce qu'on parle toujours de roi anglais, hein, l'île sibérienne, mais on a trouvé aussi du côté donc de l'Amérique du Nord, donc à Saint-Paul. Et donc là, dans le détroit de Bering. Donc voilà, ce sont des petits mammouths, c'est-à-dire que c'est des mammouths en modèle réduit, mais ce sont des mammouths. Marie-Hélène Patou-Mathis, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire de mammouth, publié chez Fayard Histoire. À la réalisation, Alexandra Malka, à la technique, Michel Mestre, attaché d'émission, Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.